Exercice 4, page 84. Couteau. Nouveau. Couche-tôt. Boulot. Beaucoup. Autour. Faubourg. Vautour. Automne. Côte d'Or. Beaufort. Colloque. Morceau. Corbeau. Bordeaux. Porto.